composée. Ensuite, il a dit, rahmahullah, fahada kitab. Est-ce que vous m'entendez d'abord? Fais sort. Alhamdulillah. Il a dit, fahada kitabun fi ilmi tawhid. Ceci est un livre consacré au monothéisme tawhid. Wa qad ra'aytu fihi l'ikhtisar ma'a suhulati l'ibara. J'ai tâché à ce qu'il soit résumé en choisissant des phrases simples. وقد اقتبسته من مصادر كثيرة من كتب أئمتنا الأعلام. En effet, cet écrit est tiré de plusieurs ouvrages parmi ceux de nos grands imams. نعم. ولا سيما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب العلامة ابن القيم وكتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه من أئمة هذه الدعوة المباركة. Il a dit, Hafidhahullah, notamment ceux, c'est-à-dire les livres de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, de l'érudit ibn al-Qayyim, rahimahullah, ainsi que ceux de Cheikh Ahmed ibn Abdul Wahhab et de ses élèves parmi les guides de la da'wah, qu'Allah Azza wa Jal leur fasse miséricorde. Thumma yaqul Cheikh, Hafidhahullah, wa mimma la shakka fih, anna ilm al-aqidah al-islamiyyah. هو العلم الأساس الذي تجدر العناية به تعلما وتعليما وعملا بموجبه. Il est certain que la science du dogme islamique est la science fondamentale, c'est la science fondamentale qui mérite d'être apprise, enseignée et mise en pratique. خصوصا وأننا في زمان كثرت فيه التيارات المنحرفة. تيار الإلحاد تيار الإلحاد وتيار التصوف والرهبنة وتيار القبورية الوثنية وتيار البدع المخالفة للهدي النبوي. Il a dit, حفظه الله تعالى, donc c'est obligé, يعني, qu'on apprenne la aqida, particulièrement parce que nous vivons une époque où les tendances égarées se sont multipliées, telles que l'athéisme, le soufisme, le monachisme, la vénération des tombeaux et les innovations qui contredisent l'enseignement prophétique. Naam. Qala hafidhahullah. Wa kulluha tiyaratun khatiratun ma lam yakun al-muslimu musallahan bi silah al-aqidati as-sahihati al-murtakizati 'ala al-kitabi wa as-sunnati wa ma 'alayhi salaf al-umma. Il a dit, elles constituent toutes, c'est-à-dire ces sectes, des tendances dangereuses, aussi longtemps que le musulman ne sera pas armé de la croyance correcte basée sur le Coran, la Sunna et la voie des prédécesseurs dans notre communauté. Il a dit, قال فإنه حري أن تجرفه تلك التيارات المضلة وهذا مما يستدعي العناية التامة بتعليم العقيدة الصحيحة لأبناء المسلمين من مصادرها الأصلية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. Il a dit, sans quoi, sans quoi, c'est-à-dire si le musulman n'apprend pas sa aqida, naam, sans quoi le musulman sera emporté par ces tendances qui mènent à l'égarement. Par ces tendances qui mènent à l'égarement. Il a dit, ce fait implique de prêter la plus grande importance à l'enseignement de la croyance correcte aux musulmans à partir de ces sources. Et prière et salut d'Allah Azzawajal sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sa famille et ses compagnons, docteur Cheikh Salih bin Fawzan, al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala. Tayyib al-an, al-faslu al-awwal. Maintenant, le premier chapitre. Premier chapitre, naam. Al-faslu al-awwal. Je chauffe ma daïoujad fi al-faslu al-awwal. Al-faslu al-awwal, qal. Fi bayani. العقيدة وبيان أهميتها باعتبارها أساسا يقوم عليه بناء الدين. نعم. Donc, premier sous-chapitre maintenant, présentation du dogme et de son importance en sa qualité de fondement de la religion. طيب, présentation du dogme et de son importance en sa qualité de fond de la religion. Je me suis trompé, j'ai cru. Donc, يعني العقيدة وبيان أهميتها باعتبارها أساسا يقوم عليه بناء الدين. طيب. دقيقة نصحح كلمة religion. Une seconde, on corrige. Chauffe maintenant si ça s'est corrigé. Religion, naam. Tayyib. Donc, maintenant, on va prouver que quoi? Que, yani, le dogme, naam, et la aqida, c'est la chose la plus importante que doit connaître le musulman et par laquelle doit commencer le musulman. Ça nous bénit, Inch'Allah Azza wa Jal. أن العقيدة وتعلمها هو أصل الدين وأنه أول شيء بدأ الأنبياء وينبغي أن نبدأ به نحن. Donc c'est ce qu'on va voir inshallah ta'ala. On va lire ce qu'a dit le Cheikh dans ce sous-chapitre bidnaï ta'ala. Il a dit, on écoute ensemble inshallah ta'ala, il a dit العقيدة لغة مأخوذة من العقد وهو ربط الشيء. Il a dit, le terme aqida, du point de vue linguistique, ce terme vient de al-aqd, al-aqd, c'est pour ça on dit aqida, al-aqd, qui signifie quoi? Le nouement d'une chose, le nouement d'une chose, tu noues. Naam. Quand tu dis, a'taqidu kada, j'ai la conviction que, naam. Que signifie اعتقد كذا وتقول عقدت عليه القلب والضمير, c'est-à-dire ça signifie que j'y attache fermement mon cœur et ma conscience. Naam. عقدت قلبي على كذا, j'ai noué mon cœur, naam, pour tel concept. Ça est, tel concept est dans mon cœur et dans ma conscience. Naam, ça vient du mot nouer. عقدت, le verbe عقدت. Naam. طيب والعقيدة ما يدين به الإنسان يقال له عقيدة حسنة أي سالمة من الشك. Et العقيدة c'est ce que l'être humain adopte comme religion. C'est pour ça on dit il a une bonne عقيدة, c'est-à-dire sa عقيدة est exempte du doute. Sa عقيدة, si on dit d'une personne il a une bonne عقيدة, c'est-à-dire sa aqida, alhamdoulilah, n'a pas de doute. N'a pas de doute. Naam. Ensuite, le cheikh dit, Hafidhahullah, والعقيدة عمل قلبي وهي إيمان القلب بالشيء وتصديقه به. Le cheikh dit, العقيدة c'est un acte du cœur. C'est pas quelque chose qui se fait au niveau de la langue. C'est un acte du cœur. Donc c'est la foi du cœur en une chose et son attestation. C'est la foi du cœur en une chose et son attestation. والشيخ رحمه حفظه الله والعقيدة شرعا. Donc ça c'est du point de vue linguistique. الآن شرعا هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وهي الإيمان بالقدر خيره وشره وتسمى هذه أركان الإيمان. نعم. Le point de vue, maintenant le terme عقيدة, du point de vue religieux, il s'agit de la foi en Allah Azza wa Jal et ses anges, le malaïka, et ses livres, kutubih, et ses messagers, rusulih, et le jour dernier, l'yom al-akhir, ainsi que au destin, le qadr, qu'il soit bon, khayri ou mauvais, wa sharri. C'est ce qu'on appelle les piliers de la foi. C'est ce qu'on appelle les piliers de la foi. Wa hiya arkanul iman. نعم. Ensuite le cheikh dit, حفظه الله, il a dit, والشريعة تنقسم إلى قسمين اعتقاديات وعمليات. Il a dit le droit islamique, la charia, se subdivise en deux catégories. نعم. Les croyances, الاعتقاديات, et les pratiques, العمليات. الاعتقاديات والعمليات. الاعتقاديات c'est quoi? هي التي لا تتعلق بكيفية العمل مثل اعتقاد ربوبية الله ووجوب عبادته واعتقاد بقية الأركان بقية أركان الإيمان المذكورة وتسمى أصلية. Le cheikh dit, les croyances, il s'agit de ce qui n'a pas de lien avec la modalité de la pratique, telles que les croyances en la seigneurie, Rububiya, et l'obligation de l'adorer, ainsi que la croyance au reste des piliers de la foi précitée. Les croyances sont dites fondamentales, fondamentales. C'est-à-dire, i'tiqadiyat. Amma l'amaliyat, les pratiques, hiya ma yata'allaqu bi kayfiyat l'amal, mitl salat, ou zakat, ou som, ou sa'il ahkam l'amaliya, ou tusma far'iyya, li'anha tubna على تلك صحة وفسادا. Il a dit, les pratiques, il s'agit de ce qui est lié maintenant à la modalité de la pratique, telle que l'impôt légal, la zakat, le jeûne, siyam, et l'ensemble des prescriptions pratiques. Les pratiques sont dites far'iyya, secondaires, car leur validité ou leur non-validité repose sur celles-ci. Thumma qala al-Sheikh Hafidhahullah, فالعقيدة الصحيحة هي الأساس الذي يقوم عليه الدين. Le dogme authentique est donc le fondement sur lequel est basée la religion. وتصح معه الأعمال, et par lequel les actes acquièrent leur validité. كما قال الله عز وجل, قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Quiconque donc rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun à son Seigneur. Donc vous avez remarqué, نعم, quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, فمن كان يرجو لقاء ربه, il doit avoir deux, il doit remplir deux conditions. Ça, la première, il a dit qu'il fasse de bonnes actions. Et la deuxième, ça ne suffit pas de faire de bonnes actions. Les kofars font de bonnes actions. Ils aident les pauvres, ils construisent des hôpitaux, etc. Mais qu'il n'associe donc aucun à son Seigneur. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Taïb. Je regarde s'il y a quelqu'un avec nous Ici, une seconde, parce que quelqu'un qui voulait assister avec nous est en nouveau. Donc, peut-être il a quitté le salon, il ne sait plus revenir. Une seconde. طيب الآن في صوت الحمد لله أبو يسمعنا في القاعة je demande aux admins est-ce que vous voyez quelqu'un à la fin de la liste qui se met 4 dites-moi si vous voyez sur la liste Abou 4 moi je le vois pas avec nous et lui il dit qu'il est avec nous est-ce que vous voyez Non. Donc il n'est pas une seconde. Ah d'accord. Passe. Donc, je disais, Allah subhanahu wa ta'ala dit, قل من كان يرجو لقاء فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Et il a dit aussi, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala a dit aussi, regardez le verset ici, نعم. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. En effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Que si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine et tu seras très certainement du nombre des perdants. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, wa qad tawa'adahu Allah subhanahu wa ta'ala, la in ashraka billah subhanahu wa ta'ala, fa innahu sayuhbitu 'amalu. Donc, hada le prophète sallam, Sayyidul khalq, subhanallah al-azim. Et Allah lui a quoi? Il l'a menacé. Il lui a dit que si jamais tu venais à, si jamais tu venais à associer à moi alors ton œuvre sera vaine et tu seras des nombres des perdants. Subhanallah al-Azim. si Allah subhanahu wa ta'ala a dit ça à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'en est-il, c'est-à-dire à nous, naam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصٍ لَهُ الدِّينِ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ. Adore donc Allah en lui vouant un culte exclusif. C'est à Allah qu'appartient. Adore donc en lui vouant un culte exclusif. Non, exclusif. C'est à Allah qu'appartient la religion pure. يقول الشيخ حفظه الله فدلت هذه الآيات الآيات الكريمة وما جاء بمعناها وهو كثير على أن الأعمال لا تقبل إلا إذا كانت خالصة من الشرك. Le Cheikh Hafidallah a dit, après avoir cité les cités, les versets, il a dit, ces versets ainsi que les nombreux autres qui vont dans le même sens prouvent que les pratiques ne sont acceptées que si elles sont exemptes de l'association d'Allah Azza wa Jal. Wa min thumma كان اهتمام الرسل. C'est très important ce qu'il dit maintenant. هذا مهم جدا جدا ما يقوله الشيخ الآن. ومن ثم كان اهتمام الرسل صلوات الله وسلامه عليهم بإصلاح العقيدة أولا. نعم بإصلاح العقيدة أولا. De ce fait, l'intérêt premier des messagers que les prières et le salut de Allah soient sur eux était quoi? De rectifier d'abord le dogme des gens. De rectifier d'abord le dogme des gens. Naam, c'est ça le plus important et c'est ça le premier but. Fa awwal ma yad'una aqwamahum ila ibadati Allah wahdahu wa tarki ibadati ma siwah. Naam. Il a dit la première chose à laquelle ils ont appelé leur peuple, c'était quoi? C'était de n'adorer qu'Allah Azza wa Jal et d'abandonner de quoi que ce soit d'autre, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, on va donc on va citer les quand ils ont été en fait d'abord hein, pour qu'ils commencent par quoi? Pour qu'ils commencent yani, par corriger le dogme naam, des gens. Propager le vrai dogme, d'abord le dogme et propager le dogme. Et donc, c'est la da'wah des rusuls. Ils ont tous commencé par la correction de la croyance juste dans les cœurs des gens et la correction des croyances fausses. Le dalil mayali, on va citer les versets qui prouvent ce qu'on dit. الآية الأولى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ماذا يفعل أن يعبدوا يعني الطاغوت. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, qu'est-ce qu'il va dire? Adorez Allah et écartez-vous. Adorez Allah subhanahu wa ta'ala et écartez-vous du طاغوت. Donc يعني, les messagers viennent d'abord pour montrer aux gens que ils doivent adorer Allah subhanahu wa ta'ala et s'éloigner du tarout. Quand on dit tarout, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Adorer bien sûr avec son consentement. Il se peut que la personne n'aime pas qu'on l'adore. Dans ce cas, elle n'est pas tarout. Qultana huna, yani, tarout huwa alladhi kul ma ubida, yani, siwa Allah azza wa jal. Bishart an yakuna hunaka رضا المعبود لأنه إذا كان كارها لذلك فلا يعتبر طاغوتا. طيب والآية الأخرى قال يعبد الله ما لكم من إله غيره. regardez l'autre verset. Oh mon peuple, يا قوم يعبد الله ما من إله غيره. peuple, adorez الله pour d'autres divinités. Oh mon peuple, faire adorer Allah. Donc c'est la aqida. Pas d'autres divinités que lui. طيب. Le Cheikh a dit, قالها نوح وهود وصالح وشعيب وسائر الأنبياء. سات فراز هذه الجملة يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. سات فراز مون بوبل ادوري الله بور فو نيتي كو لوي il a dit l'a dit dit Noé وهود وصالح وشعيب et l'ensemble des prophètes نعم dit à leur peuple نعم ثم قال حفظه الله وقد بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد البعثة 13 عاما يدعو الناس إلى التوحيد. Et le prophète عليه الصلاة والسلام est resté à la Mecque 13 années après la révélation. À faire quoi pendant les 13 années? À appeler les gens au monothéisme, à appeler les gens au monothéisme wa islah al aqida, et aussi à la rectification du dogme, du dogme لأنها الأساس الذي يقوم عليه بناء الدين. Pourquoi? Car il est le fondement, le dogme, il est le fondement sur lequel repose la religion. الإنسان اللي ما عندوش عقيدة أو عقيدة يعني خاطئة هذا ليس له دين أصلا. Car la personne qui n'a pas une aqida ou bien une aqida fausse, celle on peut dire d'elle qu'elle n'a pas de religion, elle n'a pas de religion. نعم. قال وقد احتاد الدعاة والمصلحون في كل زمان حذو الأنبياء والمرسلين فكانوا يبدأون بالدعوة للتوحيد وإصلاح العقيدة ثم يتجهون بعد ذلك إلى الأمر ببقية أوامر الدين. Les prédicateurs, Cheikh Fawzan, Hafidhullah, dit, les prédicateurs et les réformateurs de tout temps, ont suivi l'exemple et des messagers. C'est-à-dire, ils commençaient dans leur dawa par l'appel au monothéisme et à la rectification du dogme, puis après cela, ils ordonnaient les autres prescriptions religieuses. Nous on dit, quand le Cheikh Rahim Hafidhullah dit, il a dit quoi? Il a dit les réformateurs de tout temps ont suivi l'exemple des prophètes et des messagers. C'est-à-dire ils ont commencé par l'appel au monde et la rectification du dogme. On dit ça, pas tous les prédicateurs Naam ont fait cela. Ce sont ceux qui ont fait cela, seulement ceux qui ont suivi les messagers et bien sûr donc tariqat salif salih. Laysa kullu aw naqul inna kana mashayikhuna rahimahullah muqayyad aw makhsus. Naam. Fa huwa yurid hafidhahullah yani atba' ar-rusul هم الذين اتبعوا الرسل في هذه الطريقة. أما غيرهم من منحرفين ممن ليسوا على العقيدة السلفية لا شك أنهم لا يبدأون بهذا، لا يبدأون بالدعوة الله سبحانه عز وجل. نعم. طيب donc ce qu'a dit le cheikh ici que les messages ont commencé par l'appel au dogme et la rectification du dogme faux. Et il a dit c'est ça avec lequel on doit commencer, car tous les messagers ont commencé. Moi je dis donc, contrairement aux sectes égarées, ou hada khilaf mada, khilaf tawaif dalla, comme les ikhwan, qu'on appelle les frères musulmans, mais les ikhwan muslimin, et les takfiri, ou takfiriyoun, et les tabliri, ou tablir, et les autres. نعم. هؤلاء لا يبدأون بما بدأ به الرسول في دعوتهم. Cela ne commence jamais par la chose par laquelle les messagers ont commencé, c'est-à-dire le dogme. نعم. فالإخوان المسلمون مثلا الحزبيون يبدأون دعوتهم بماذا؟ دائما بالتركيز على ماذا؟ التركيز على السياسة. Les ikhwan donc, ces hizbi, sont connus qu'ils commencent leur da'wah par quoi? Ils commencent de leur da'wah toujours en se basant sur ce qui est politique. لأن الهدف عندهم ما هو؟ هو يعني أن يصلوا إلى سدة سلطة وتكون بأيديهم زمام الأمور. Car leur principal but, le principal but des Ikhwan Muslimoun, c'est quoi? C'est d'arriver à détenir les reins du pouvoir. Et non pas de propager le tawhid entre les gens. Et, ils disent, et quand ils arrivent à ce but, c'est-à-dire au pouvoir, ce n'est pas la peine de vous dire les dégâts et le mal qu'ils font. وَإِذَا مَا وَصَلُوا وَوُفِّقُوا الْإِخْوَانُ مُسْلِمُونَ وَوَصَلُوا إِلَى سُدَّةِ الْحُكْمِ وَإِلَى زِمَامِ الْأُمُورِ فَيَعْنِي مِنَ الْمَعْلُومِ لَدَى الْخَاصِّ وَالْعَامِ الْمَفَاسِدِ الَّتِي يَجْنُونَهَا وَالَّتِي يَأْتُونَ بِهَا. Les dégâts d'âme. Prenez l'exemple de Morsi. Morsi, le chef, le président de d'Égypte déchu. Morsi, c'est l'un des grands frères musulmans. On va trouver quoi? On va trouver qu'il a noué des relations avec les Rawafid et qui leur a ouvert les portes grandes ouvertes. Et ils sont venus d'Iran, mashallah, faire le tourisme, etc. Et aussi avec l'intention de signer un contrat avec eux afin d'envoyer je ne sais combien d'Égyptiens pour une formation religieuse en Iran, tout frais payé par l'État iranien, pour qu'ils reviennent après en Égypte comme prédicateurs à la da'wa des Rawafid. Qu'Allah Azza wa Jalla nous préserve. Ceci a été dit par Cheikh Mohammed Ben Hadi Madkhali, Hafidhahullah Azza wa Jalla. قلت لو نظرنا مثلا في الحالة تاع مرسي لو وجدنا انه فتح كل الابواب للروافض الشيعة ليأتوا الى بلاده سبحان الله العظيم بدأ بهذا وكان كان في المشروع ان يعقد معهم عقودا تسمح لي كثير من المصريين أن يذهبوا إلى هناك ليتعلموا في الحوزات الشيعية يتعلموا الدين الخبيث دين الروافض ليرجعوا في مصر فيما بعد ليبثوه بين المصريين سبحان الله العظيم وهذا على حساب إيران يعني مصر لا تدفع فلسا واحدا ensuite bien sûr comme ça. Regardez, subhanallah al-azim, les rawafid, les khabit, comment qu'ils pensent. Il te prend quelques-uns de chez toi, il les forme chez eux, et les envoie chez toi, et ils travaillent pour l'Iran. Ils font la da'wa pour l'Iran, ils seront 10, ils vont appeler 10 personnes, ensuite 20, ensuite 30, ensuite 100, 200, et comme ça, dans 10 années, peut-être avant, peut-être un peu après, toute l'Égypte sera, ou alors la grande partie d'Égypte sera des rawafid, a'oudou billah. أعوذ بالله. نعم ولهذا بعضهم يقول إن هذا هو السبب الذي يعني أو الشيء الذي كان سببا في كون الله عز وجل يعني أبعده من ماذا؟ أبعده من سدة الحكم. نعم نصرة لدينه حتى لا ينتشر هذا الباطل بهذا الحجم. C'est pour cela que certains ont dit que c'est justement cela, ce qu'il a fait avec les Rawafid, qui a été la cause que Allah Azza wa Jal les déchu du pouvoir et qu'il les même emprisonné. Sinon, ça aurait été la catastrophe en Égypte. Naam. Peut-être certains vont dire que donc nous on est avec le coup d'état militaire. On n'est pas avec le coup d'état militaire. On n'aime pas le coup d'état militaire. On est contre le coup d'état militaire. On n'a pas aimé ce qu'a fait l'armée. Mais maintenant, c'est trop tard. L'armée a le pouvoir. Il ne reste plus qu'à obéir pour ne pas faire de grandes fitnas et ne pas faire couler beaucoup de sang. Mais on n'est pas avec les militaires. On n'aime pas ce qu'ils ont fait. Naam. Colt. Il y va sans dire que les Ikhwan, non seulement, ne commencent pas leur da'wa par la aqida, mais pire encore, ils n'exhortent jamais leurs adeptes à lire les livres de Aqida. Naam. Wa min ma'loum anna al-ikhwan al-muslimin abad al-abidin la yabda'una da'watahum bi nashr at-tawhid bal kama qulna bi bid-da'wa ila as-siyasa نعم. ولهذا أبدا لا يحرضون أنصارهم على أن يدرسوا كتب العقيدة. نعم. جامي إن نيكزورت لغز أدبت أن لير لي ليف دو عقيدة. Car comme a dit leur chef suprême Hassan al-Banna, le grand-père de Tariq Ramadan, qu'est-ce qu'il a dit? La aqida nous disperse. لأنه كما قال زعيمهم الكبير والأكبر حسن البنا نعم جد طريق رمضان ماذا قال؟ قال العقيدة تفرقنا نعم عقيدة سنو ديسبرس car il faut savoir que le minhaj des Ikhwan repose à la base sur le fait de regrouper le maximum de gens autour du leader المرشد العام auquel ils font l'allégeance et il voit comment faire le possible pour attirer le plus possible de gens, pour qu'ils soient nombreux, le plus nombreux possible, sans pour autant donner d'importance au minhaj des gens qu'on a regroupés, ni encore moins leur aqida. Au point où si tu vois par exemple les gens qui se rassemblent dans les rues pour demander par exemple le retour de Morsi au pouvoir, tu y trouveras de tous les, y compris takfiri, laïcs et même chrétiens confondus, subhanallah l'adhim. قلت الآن علمنا أن الإخوان أبدا لا يبدأون بماذا في دعوتهم ب يعني الدعوة للتوحيد وأنهم لا يحرضون أبدا على قراءة كتب التوحيد. نعم. ولابد أن تعلم من جهة أخرى أن في دعوتهم يركزون على ماذا؟ على التجميع والتكثير، يجمعون الناس حولهم من غير أن يهمهم ما هي عقيدة هذا الإنسان، نعم، ولا منهجه. المهم يجمع، جمع، جمع، جمع. ولهذا لو الإنسان ينظر في الشارع، يعني الذين يطالبون بعودة الرئيس مرسي، يجد أن فيهم من؟ فيهم تكفيري، فيهم يعني خليش، فيهم بل فيهم حتى النصارى، نعم، فيهم حتى النصارى، سبحان الله العظيم. فيهم لائكيون فيهم حزبيون في... هذا لا يهم. لماذا؟ هذه عقيدة ومنهج الإخوان، عقيدة ومنهج الإخوان. لا يبدأون دائما بالعقيدة ولا يعيرون العقيدة اهتماما. دونك الإخوان الإخوان المسلمون les frères musulmans sont connus par quoi? Jamais ils ne donnent d'importance à la عقيدة. نعم. Et jamais ça les intéresse la عقيدة. Ce qui les intéresse c'est quoi? C'est la politique et les reins du pouvoir. Et les reins du pouvoir, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est pour cela, toi, toujours, quand tu veux quoi? Tu veux tester quelqu'un et le voir. Un frère, une sœur, est-ce qu'elle est salafia ou bien elle est autre chose? Autre chose. Non. Tu poses seulement la question. Tu commences par quoi? C'est quoi le plus important chez toi? Tu te bases sur quoi? Quels sont les livres que tu lis? Et comme ça. Si elle dit, je commence par la haqida, c'est la aqida importante des choses, la aqida. Ah, pia cette personne. Naam. Si elle dit, je commence par le gouverneur. On veut gouvernance musulmane, comme disait dans certaines assises qui se faisaient assises. Naam. Les sœurs se lèvent et commencent à applaudir et je ne sais à quoi, et à dire ensemble, khilafa, califa, califa, califa. Ça veut dire on veut le califa. Vous voyez, tekfiri, on veut le califat. Ah, aqida, aqida, aqida, non. Califat, califat. Moula Omar, Ben Laden, Ben Laden. Voilà le tekfir. Naam, donc pas d'aqida. Tu leur dis la aqida. On a dit une fois, une soeur, tu as dit aqida. Elle a dit non, aqida c'est la Palestine, il n'y a pas d'aqida. Si tu veux la aqida, va à Palestine. C'est ça la aqida. Subhanallah l'azim. حسبنا الله ونعم الوكيل سيصل حسبنا الله. المهم حساسي لإخوان. أما التكفيريون فهؤلاء أيضا عوضا يبدأوا بالعقيدة ونشرها نعم وتحبيبها إلى الناس والشيء الذي بدأ به كل أنبياء فهم يبدأون نعم عوضا من ذلك يبدأون بماذا؟ بهل الحاكم يحكم بما أنزل الله أو لا. كنت تكفيري عليكم السلام. Quant aux takfirin, les kharijites de notre époque, ceux-là aussi, au lieu de commencer par le fait de propager la aqida entre les gens, chose par laquelle ont commencé tous les messagers, cela non. Il commence plutôt par se baser sur le fait que est-ce que le gouverneur juge par les lois d'Allah ou il ne juge pas? C'est ça le plus essentiel chez eux. Est-ce qu'il juge par les lois d'Allah ou il ne juge pas? Naam. لما قلت انا يبداون بالبحث عن الحاكم هل يحكم بما انزل الله او لا يبداون وينتهون ليس عندهم يعني شيء في الوسط لانهم لم يتعلموا الا ذلك ولهذا لا تجد احدا من التكفيريين ابدا وابد الابد يعلم شيئا من الدين سوى الكلام على ماذا على هل يعني هل الحاكم هذا يحكم بما انزل الله او لا يحكم والآية ومن يحكم بما انزل الله فأولئك هم كافرون ومن يحكم بما انزل الله فأولئك هم ظالمون فاسقون هذا ما يعرف نعم سي بور سولا كو نعم لي تكفيري جامي جامي جامي جامي ne cherche à prendre la aqida encore moins à la propager ils commencent leur din entre parenthèses et le finissent par يعني le fait de chercher est-ce que le gouverneur juge avec les lois d'Allah Azza wa Jal ou pas. Non. C'est tout ce qu'on leur a appris. C'est pour cela que jamais de ta vie, au grand jamais, tu n'entendras un tekfiri parler d'une chose dans le din, à part le fait qu'on doit juger avec les lois d'Allah, et que quiconque ne juge pas avec les lois d'Allah, c'est un tarout. Voilà pour eux tout le din. Pour confirmer cela, rentrez dans un salon de tekfiri. Et si jamais, une fois dans votre vie, vous entendez quelque chose qui est kafir, X est ta route, Y n'est pas ta route. X, loi d'Allah, Y ne juge pas avec nous. Si vous trouvez une fois un takfiri qui parle, ou bien qui parle du fiqh, ou bien qui parle de la sira, ou bien qui parle, venez me dire, je ferme le salon. C'est tout ce qu'ils savent. C'est tout ce qu'ils savent. Naam, jamais ils ne peuvent parler d'une chose dans le il est kafir, il n'est pas kafir. Il est kafir, il n'est pas kafir. Est-ce que moi, quand je meurs, est-ce que Allah Ta'ala va me dire est-ce que X était kafir ou il n'était pas kafir? Il va me dire à moi, est-ce que tu étais mu'min ou tu étais kafir? À moi. Est-ce que tu m'as autre chose, tu as adoré le soleil. Voilà ce qu'il va me dire. Mais il ne va pas parler des autres. Naam, entre eux, sont plusieurs fois, j'ai entendu avec Salah 19, il dit à quelqu'un, tu es kafir, l'autre lui dit, il sort du salon. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve d'eux. أما عقيدة الولاء والبراء عند التكفيريين هي كما قلت فقط أن الحاكم يحكم بما أنزل الله أو لا يحكم. إذا كان يحكم بما أنزل الله, نعم, فهذا كل العقيدة. أما إذا كان لا يحكم بما أنزل الله فهو كافر كافر نعم. Donc l'aveu et le désaveu chez les tekfiri, c'est seulement de savoir est-ce que le gouverneur juge avec les lois d'Allah ou il juge pas. S'il ne juge pas, il est kafir. Et s'il juge, par contre, c'est ça toute la aqida. Pour eux, il n'y a pas autre chose. نعم. ليس كما عند السلفيين مثلا عندهم توحيد توحيد الإلهية الربوبية الأسماء والصفات نعم ولهذا لا تجد تكفيريين أبدا نعم يعرف مثلا درس العقيدة بحيث يعني يفقه عن ربي عز وجل نعم في الأسماء والصفات في الأسماء والصفات مثلا نعم المهم عندهم هل الحاكم مسلم أو كافر والمهم عندهم أيضا أن يصير المسلم الحاكم كافرا هذا هو الهدف عندهم نعم je disais chez les tekfiri le plus important c'est pas la aqida mais plutôt de savoir est-ce que le gouverneur est musulman ou pas contrairement aux salafi les salafi chez eux ils ont le tawhid et le tawhid des noms et des attributs chez les tekfiri non il y a le tawhid De quoi? Du jugement, c'est tout. Est-ce qu'ils jugent avec les lois d'Allah ou ils ne jugent pas? Ils n'ont pas le jugement. Ils font le tawhid, par exemple, de la seigneurie, le tawhid de la divinité, le Tawhid, des noms et des attributs. C'est pour cette raison que jamais tu ne trouveras un takfiri qui connaît Allah Azzawajal comme il se doit, comme il s'est décrit lui-même, avec ses plus beaux noms et ses plus parfaits attributs. Jamais, jamais. L'essentiel pour eux étant que le gouverneur musulman est devenu kafir. Naam. Alhamdulillah. الهدف عندهم أن المسلم الحاكم أصبح كافرا وأنت الآن لما حكمت عليه بالكفر فقد أكملت دينك نعم et toi maintenant alhamdoulillah lorsque tu as rendu le gouverneur musulman kafir alhamdoulillah tu as parachevé ta religion نعم الآن هو الحاكم سيدخل جهنم خالدا مخلدا فيها. En effet, maintenant le gouverneur va aller éternellement en enfer. Amma anta ayyuha al-mukaffir fa satadhhabu ila jannatin ardha samawati wal ard samawati wal ard. Et toi, alhamdoulillah, maintenant tu vas rentrer dans un paradis, naam, dans la grandeur, c'est les cieux et la terre. Naam. Janna 'azima kabira haythu tantadhiruk hunak, yani naam. يعني وش قال انهار انهار تجري من تحت الارض انهار نعم من خمر لذة للشاربين وانهار من خمر نعم عفوا انهار من عسل مصفى مصفى نعم وكل هذا بطبيعة الحال برفقة حور العين حور العين نعم التي تنتظر وهذا كله جزاء من الله سبحانه عز وجل لانك قلت عن الحاكم المسلم انه كافر. Non. Donc l'essentiel pour eux, c'est que le gouverneur musulman est devenu kafir. Et alhamdoulilah, en le rendant kafir, tu as parachevé ta religion. Et maintenant tu vas rentrer dans un... Lui il va aller en enfer. Et toi alhamdoulilah, tu vas aller dans un paradis, un immense paradis, où t'attendent des ruisseaux d'un vin délicieux à boire, ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. Bien sûr, tout cela en compagnie de belles houris, de belles houris aux grands yeux noirs qui t'attendent là-bas. Naam, comme rétribution du Seigneur de l'univers pour avoir rendu tel et tel gouverneur musulman, pour l'avoir rendu kafir. Masha'Allah, pour ses efforts immenses consistant à faire sortir les gens de l'islam en globalité, tout en prétendant qu'il n'y a sur terre de musulmans que nous et ceux qui sont sur notre voie. Puisse Allah Ta'ala nous préserver d'eux et de leur maudit virus contagieux qui ronge leur cœur et leur corps et qui l'ont hérité de leur grand-père, leur aïeul, qui s'appelle Dhul Khuwaysera. Idan Qult, Alhamdulillah alladhi afana min ha'ulai sinf takfiriyin, naam, wa jurthum al-khabitha, jurthum al-khabitha, jurthum al-takfir al-khabitha, allati warithuha عن جدهم ذي الخويصرة نعم ذو الخويصرة la première personne dans le monde avoir dit au prophète صلى الله عليه وسلم tu es injuste أعوذ بالله ذو الخويصرة a dit au prophète عليه السلام quand il a partagé le butin il lui a dit tu es injuste الله أكبر c'est celui-là leur grand-père نعم c'est de lui qu'ils ont hérité ce virus ce contagieux virus أعوذ بالله. D'ailleurs, c'est de celui-là, celui-là que le prophète Hassan a dit, des reins de celui-là sortiront des gens qui liront le Coran mais qui ne dépassent pas leur gosier. Il a dit, ils tueront les gens de l'islam et laisseront les gens des idoles. Subhanallah. Il a dit, Houdata al-Asnan, des gens, il a dit, des petits jeunes, ils viennent tout juste de changer leurs dents. Et il a dit, ensuite il a dit Soufahal Ahlam, ils ont des rêves utopiques. Il te dit je vais le califat. Naam, 2-3 ans, on va faire le califat sur terre. Naam, subhanallah. Ensuite il a dit Yaqtuluna Ahl Islam, ils tuent les gens de l'islam. Wa yada'una Ahl Awthan, et ils laissent les gens qui adorent les idoles. Il a dit Haythuma Adraktuhum. لئن أدركتهم لئن أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد وفي رواية قتل ثمود. Il a dit si jamais je les rencontre, le prophète sallam il a dit si jamais je les rencontre, je les combattrai. Le combat de Ad ou bien le combat de Thamoud. Il parle de qui? Il a dit quoi? Il a dit que Coran, que comparer votre Coran avec leur Coran, votre façon de lire, vous allez trouver, yani, que vous allez dire que subhanallah, nous on ne lit pas du tout le Coran. Il a dit Yahqiru ahadukum Qur'anahu ma'a Qur'anihim wa salatahu ma'a salatihim. Et l'un de vous, quand il les voit prier, il va dire Allahu Akbar, combien qu'il prie, moi je suis très faible, je ne prie rien. Mais malgré cela, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il est bon nar, l'enfer. Qu'il est bon nar. Il a dit, où je les trouve, je les combats. Hadith authentique, il dit quoi? Il n'y a pas une personne qui sera plus châtiée Yom Qiyama comme une personne qui a été tuée par un messager. Donc, où que je les rencontre, ça veut dire que vraiment, yani, ce sont plus que des chiens de l'enfer. Il a dit il a dit la pire des créatures, ce sont eux. Tout cela pour dire quoi aussi, hein? Des gens qui croient que quand j'apprends le Coran, c'est tout. Alhamdoulilah, j'apprends le Coran, donc je suis le meilleur des gens. Tu apprends le Coran et tu peux être un chien d'enfer. Toi, tu apprends le Coran mieux que les Khawarij. Tu apprends pris plus que. Et le prophète m'a dit, si je les trouve, je les combats. Subhanallah. Donc c'est pas l'essentiel d'apprendre le Coran. C'est très bien d'apprendre le Coran. Mais si tu l'appliques et tu le comprends comme l'ont compris le Salaf Saleh. C'est pas comme l'ont compris les Khawarij et les Mu'tazila et les je ne sais qui. El Mouhem. Donc, هذا اللي أبين لكم نعم أن الإخوة المسلمين لا يتبعون من منهج الأنبياء لا يتبعون منهج الأنبياء في دعوتهم. Tout cela pour que vous sachiez que les frères musulmans, les messagers dans leur da'wa, les messagers commencent par tawhid et eux ils commencent par la politique, et que les takfiri ne suivent pas les messagers dans leur da'wa. Les messagers commencent par le tawhid. Et eux, ils commencent par quoi? Par le gouverneur. Naam. Comment rendre le gouverneur kafir? Wa amma tabliriyun. Naam. Fahaoulay aydad. Mukhti'un. Quant aux tabliri, les pauvres, eux aussi sont dans la faute. Naam. Yibda'una da'wata'um bid-da'wati. Yibda'una intahun aydan. Bid-da'wati ila mada? Ila l'akhlaq il-fadila. Au makarim al-akhlaq. Naam. Ils commencent et finissent leur da'wa par quoi? Par le prêche au bon comportement. Li anna ad-din 'indahum yarji ila madha? Ila kawnika yani dha khuluqin hasan wa maqbulan bayn an-nas. Hadi al-'aqida 'indahum. Car l'essentiel pour les tablighi, c'est quoi? C'est l'essentiel dans le din revient au fait d'avoir un bon comportement avec les gens. Si tu as un comportement exemplaire, tu es mashallah, tu fais partie des gens du paradis. Donc même les mécréants qui ont un bon caractère, donc d'après eux, ils vont aller au paradis. Car il y a des mécréants qui ont un bon aussi caractère ou alors comportement. Naam. Wallaw yani kana haoula innas yani tablighiyun min ajhal innas. Même si question d'aqida, les tablighi, ce sont les plus ignorants parmi les gens masakin. C'est pour cela que pour eux, question d'apprentissage du din, on doit se suffire seulement à Riyad Salihin Tablighi Nisab, un livre plein de shirk. Waliyad al-tablighiyun, indahum, al-din kulluhu mahsoul fi kitabain, Riyad Salihin wa Tablighi Nisab, al-tafih bi shirk. Et surtout, ne jamais lire les livres de Aqida. Car le tawhid peut, d'après eux, et n'a point de place dans leur cœur. Tant que ton comportement est exemplaire vis-à-vis des gens, et que, masha'Allah, naam, tandis que je traduis d'abord en arabe, naam, al-muhim indahum, mada, yani, huwa antakuna, yani, sahib akhlaq, marmouqa, naam. لأن التوحيد عندهم ليس له مكان في قلوبهم. المهم أن تكون كما قلت يعني مقبولا عند الناس. نعم. Et que ما شاء الله tu as ce degré de foi et de sincérité qui te permet de fuir le domicile conjugal avec ce, avec ce que ça sous-entend comme responsabilité familiale pour aller errer des mois et des mois, si ce n'est des années et des années, de ville en ville et de pays en pays, sous prétexte que c'est pour l'islam. Alors que tout le monde sait que, comme on dit, celui qui ne détient pas une chose ne peut la donner. Et que par conséquent, celui qui n'a pas appris ne peut faire apprendre aux, aux autres. Ne peut faire apprendre aux autres. Comme a dit le prophète, il a dit « Innama al-ilmu bita'allum » La science vient en apprenant. Naam, hadith sahih. Voir Sahih al-Jami' numéro 2328 de Sheikh al-Albani rahimahullah. قلت ولهذا يعني الذي لا الذي يهمهم فقط ماذا هو يعني أن يتركوا ويهجروا البيت العائلي لأشهر وأشهر بل ربما سنوات وسنوات وهم من بلاد إلى بلاد نعم يزعمون أنهم يدعون الناس إلى الإسلام ويعلمونهم يعني تعاليم الدين في حين أن فاقد الشيء لا يعطيه فقد شيء لا يعطيه نعم والعلم لا يأتي هكذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم حديث صحيح انظر صحيح الجامع 2328 إنما العلم بالتعلم donc c'est en apprenant comme l'a si bien dit le prophète et non en errant à travers monts et vallées tout en faisant des hérésies et des innovations dans le din pour se trouver au final face à un hadith authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam foudroie l'innovateur quand il dit carrément Allah Ta'ala a voilé le repentir de chaque innovateur jusqu'à ce qu'il délaisse son innovation Allahu Akbar voir hadith 54 dans Sahih Tirib Allah Ta'ala a voilé le repentir de chaque innovateur jusqu'à ce qu'il délaisse son innovation Naam قلت هؤلاء التبليغيون مبتدعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب وفي رواية حجز عن المبتدع التوبة حتى يدع بدعته نعم صحيح الترغيب حديث 54 وكل هذا في الآخر نعم والجهود التي يبذلونها ليحاربوا السلفية والسلفيين حتى مع الأسف في بعض الأماكن وبعض البلدان يعني يتعرضون حتى بالمخابرات نعم متهمين السلفيين بأنهم يعني من الإرهاب والإرهابيين حسبنا الله ونعم الوكيل tout cela sans parler des grands efforts que font les tablighi les grands efforts qu'ils font dans la haine et l'adversité et l'animosité dans leur combat contre leurs grands ennemis. C'est qui leurs grands ennemis? Contre leurs grands ennemis, les salafis et le minhaj salafi. Et dans beaucoup de cas, en faisant aussi des rapports contre eux au service de renseignement, en les accusant de terroristes. Naam. Des fois, ils travaillent avec la police, ils leur disent, naam, ce sont des terroristes. Et je vous ramène, yani, ce qu'ils font dans la mosquée, etc. Et je vous fais yani, des PV, etc. pour vous dire ce qu'ils font là-bas, car ce sont des terroristes. Et des fois, subhanallah l'adim, c'est la cause pour que certains salafis aillent en prison, accusés à tort et à travers, par qui? Par les tablighi, les mubtadi'a, les juhal, qui croient que ils sont en train de faire la da'wa à l'islam. En allant dans les bars et dans les discothèques et je ne sais où, dire aux gens venez prier, subhanallah l'adim. C'est comme ça qu'a fait le prophète alayhi salam. C'est comme ça qu'a fait le prophète alayhi salam. J'ai vu quelqu'un sur internet. Ça m'a étonné. Il marche dans la rue, non, il marche dans la rue, un groupe. Et ils disent, c'était un jour de Noël, subhanallah l'adim. Ils disent, il n'y a pas de Noël. Il ne faut pas mentir aux gens, il n'y a pas de Noël. Papa Noël ne vient pas. C'est comme ça, c'est avec ça qu'a commencé le prophète Aïssoslam. Il a commencé en disant aux gens, il n'y a pas de Noël. Qui va te croire? Ça fait moi 40 ans qu'on m'a appris qu'il n'y a pas Papa Noël. Toi, je ne te connais pas, tu viens me dire, il n'y a pas Noël. Je vais te croire, toi. Naam. Ensuite, il rencontre quelqu'un avec un paquet de cigarettes. Non, tu sais que c'est haram. Il lui dit, oui, je sais, parce que c'est un musulman, l'autre. Il lui dit, jette la cigarette. Je ne veux pas jeter. Il lui dit, jette la cigarette. Ensuite, l'autre, il a honte, il la jette, ou bien l'autre la lui jette. J'ai oublié. Ensuite, il lui dit, donne-moi ton paquet de cigarettes. Donne-moi ton paquet. Donne-moi. Tu peux pas le donner, fsabilallah. Hein? Tu peux pas donner ton paquet de cigarettes. Moi, je dis, comment? La dawa, on commence par la cigarette. Non, il va te donner maintenant le paquet de cigarettes. Toi, tu tournes le dos, tu marches 1 mètre, il va acheter 3 paquets de cigarettes. Quelle dawa tu as fait? C'est ça la dawa. Il faut lui enlever la cigarette de son cœur, pas de sa poche. Naam, si tu veux lui enlever la cigarette du cœur, en lui montrant ce qu'a dit Allah, ce qu'a dit son prophète sur les méfaits de la cigarette, c'est pas en lui disant jette maintenant le paquet, jette-le maintenant devant moi. Il va le jeter devant toi parce qu'il a honte, c'est tout. Tu fais 10 mètres ou 5 mètres, naam, il va chez le marchand de tabac, il lui dit donnez-moi. Je sais pas comment ça s'appelle, le truc où il y a 20 paquets. Donnez-moi direct. Comment ça s'appelle? Rappelez-moi le mot. Vous avez l'habitude de fumer, vous les admins. Donnez-moi comment ça s'appelle l'autre. Il dit, donnez-moi une. Non, pas Marlboro. Non. Asma, il te donne un paquet, une cartouche. Voilà, une cartouche, je crois. Non. Voilà, Mohamed a l'habitude de fumer. Il connaît la cartouche. Il te donne direct. Je crois que c'est 20 paquets. 10 ou 20 paquets. Voilà. Naam. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver. Puisse Allah 10 paquets. Voilà, Fawzi fume mieux que lui, il connaît mieux. Donc, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver et nous apprendre la aqida. Donc, je conclue et je termine. Commencez. Naam, la dawa. Si tu veux être sur le chemin des messagers, commence par faire la dawa. Commence par la aqida. Ne commence pas par autre chose. Si tu commences par la aqida, tu es sur le chemin des messagers. Si tu as commencé par autre chose, tu es sur le chemin d'une des sectes. Il faut voir si c'est politique, tu es Rouen. Si tu cours dans les rues pour faire la dawa, tu es Tablir. Si tu commences par le gouverneur, tu es Tekfiri, comme ça et comme ça. Naam. Et là, je termine en disant surtout, surtout, surtout à vous qui êtes dans un pays de kuffar. Naam. Et vous êtes enclin à rencontrer ces gens et à leur parler, etc. Attention à ce que vous commenciez par autre chose que la harida. Attention à ce que vous commenciez par la cigarette et par, yani, parler de dire, je ne sais pas, il faut pas mettre l'or. L'or, c'est interdit pour l'homme. Ou bien pour la femme, il faut pas s'épiler. Ou il faut pas, yani, s'épiler les sourcils, ou je ne sais pas quoi. Ou bien par la cigarette, ou bien. Attention à ce que vous fassiez cette grande faute. Attention à ce que vous fassiez fuir les gens de l'islam en croyant que vous faisiez du bien. Dites-vous toujours, non, même si vous êtes jaloux et jalouse pour le dîn, pourquoi cette personne fait la zina, etc. Non, c'est pas ton dîn. Non, c'est pas ni le tien, ni de ton père, ni tu l'as hérité. C'est le dîn d'Allah. Tu fais la da'wah comme il veut lui, ou alors ne fais pas. Tu fais la da'wah à Allah subhanahu wa ta'ala comme il veut lui. La da'wah, c'est pas toi qui fais comme tu veux. D'ailleurs, ce sera le prochain chapitre, inshallah ta'ala, pour montrer que la da'wah, c'est pas nous qui choisissons comment qu'on fait la da'wah. Mais tu l'as fait comme la faisaient les prophètes, alayhim salatu salam. Voilà, subhanak allahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Je vous donne, inshallah ta'ala, un quart d'heure pour préparer les questions. Et on commence par les questions dans la aqidah. Idan, wa atikum, inshallah ta'ala, rub' sa'a, li. إن شاء الله تعالى تحضروا نعم وتحضروا الأسئلة ونبدأ إن شاء الله تعالى بالأسئلة التي لها صلة بالموضوع ثم ننتقل إلى الأخرى بإذن الله تعالى نلتقي بعد ربع ساعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Amma yatasaalun. Sur quoi s'interroge-t-il? Anin naba'il 'azim. Sur la grande nouvelle. Alladhi hum fihi mukhtalifun. À propos de laquelle ils divergent. Kalla sa'lamun thumma kalla sa'lamun. Eh bien non, ils sauront bientôt. Encore une fois non, ils sauront bientôt. Alam naj'al al-ardha mihadan wal jibala awtadan wa khalaqnakum azwaja. N'avons-nous pas fait de la terre une couche et placé les montagnes comme des piquets? Et nous vous avons créés en couple. Et désignez votre sommeil pour votre repos, et fait de la nuit un vêtement, et du jour le moment dédié aux affaires de la vie. Et construit au-dessus de vous cette renforcée. Et y avons placé une lampe très ardente. Et fait descendre des nuées une eau abondante. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. Pour faire pousser par elle grains, plantes et jardins luxuriants. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا. Le jour de la décision a son terme fixé. يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. Le jour où l'on soufflera dans la trompe, vous viendrez par troupes, et le ciel sera ouvert et présentera des portes. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. Et les montagnes seront mises en marche et deviendront un mirage. L'enfer demeure aux aguets, refuge pour les transgresseurs. Ils y demeureront pendant des siècles successifs. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. Ils n'y goûteront ni fraîcheur ni breuvage, hormis une chaleur brûlante et un pu. جزاء وفاقا. Comme rétribution équitable. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. Car ils ne s'attendaient pas à rendre compte et traitaient de mensonges continuellement nos versets. وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Alors que nous avons dénombré toutes choses par écrit. Goûtez donc, nous n'augmenterons pour vous que le châtiment. Pour les pieux, ce sera une réussite. Jardins et vignes, et des belles aux seins arrondis d'une égale jeunesse, et coupes débordantes. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. Ils n'y entendront ni futilité ni mensonge à titre de récompense de ton Seigneur et à titre de don abondant. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. Du Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui existe entre eux, le tout miséricordieux, il n'ose nullement lui adresser la parole. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Le jour où l'esprit et les anges se dresseront en rang, nul ne pourra parler, sauf celui à qui le tout miséricordieux aura accordé la permission et qui dira la vérité. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. Ce jour-là est inéluctable. Que celui qui veut prenne donc refuge auprès de son Seigneur. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Nous vous avons averti d'un châtiment bien proche, le jour où l'homme verra ce que ses deux mains ont préparé, et l'infidèle dira: hélas pour moi, si seulement je n'avais été que poussière. La sourate, la nouvelle. بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. عما يتساءلون. Sur quoi s'interroge-t-il ? عن النبأ العظيم. Sur la grande nouvelle. الذي هم فيه مختلفون. À propos de laquelle ils divergent. كلا سيعلمون. Eh bien non, ils sauront bientôt. ثم كلا سيعلمون. Encore une fois, non, ils sauront bientôt. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا. N'avons-nous pas fait de la terre une couche ? وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا. Et placé les montagnes comme des piquets. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. Et nous vous avons créés en couple. وجعلنا نومكم سباتا. Et désignez votre sommeil pour votre repos. وجعلنا الليل لباسا. Et fait de la nuit un vêtement. السلام عليكم. تفضل إن شاء الله pour la première question. Salam alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh. Est-ce qu'il y a du son? Salam alaykoum, est-ce qu'il y a du son? Alhamdulillah. Désolé pour ma voix, je suis un petit peu enrhumé. Cher, si vous pouvez m'ouvrir votre PV pour que je vous envoie la première question, inshallah. Amin. Barakallahu fik. Alors, première question. Question d'une sœur. Nous avons vu que la croyance est fondamentale et que la validité des actions dépend de celle-ci. Nous avons vu également qu'elle tire son origine dans le fait d'avoir une conviction forte. Chir, si j'ai bien compris, la aqida d'une personne est fortement liée à son cœur. Pouvez-vous me dire si une personne qui délaisse des obligations, comme de graves péchés, délaisse la religion, etc., si cela signifie que sa aqida ainsi que son cœur ne sont pas bons? Barakallahu fikum wa jazakum Allahu khairan. Tafaddal Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Est-ce que vous Alhamdoulilah. Les ont une relation avec le cœur. Naam. C'est-à-dire. Naam. Le son n'est pas bon. Je sors et je reviens, Inch'Allah. Salam alaikum, est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah. S'il y a des coupures, vous me le dites. Je disais, il y a une grande relation entre le cœur et les actes. C'est pour ça que le prophète alayhi sallam a dit quoi? Il a dit Ala wa inna fil jasad mudra idha salahat salahat sa'ir al-amal. Ou idha fasadat sa'ir al-amal. Il a dit que dans le corps, il y avait un morceau de chair. Naam. Et à la fin, il a montré que c'était le cœur. Naam. Il a dit que si ce cœur est mashallah, c'est-à-dire question de aqida, question de. Yani, il a noué des choses yani, qui sont vraies et véridiques. Naam. Dans son cœur, des choses qui ne sont pas fausses. Naam. Et il y a l'amour d'Allah. Et yani, le fait de le vénérer, etc. Tu vas trouver que quoi? Le cœur est bon et bien. Tu vas trouver que les actes seront bons et bien aussi. Naam. Et le contraire. Si le cœur n'est pas bien, les actes ne seront pas bien. Et aussi le contraire. S'il y a des actes qui ne sont pas bien, ça va influer sur ton cœur. Tu as vu une aqida, masha'Allah. Ensuite, maintenant, à force de faire des péchés, la aqida faiblit. Naam. La aqida a commencé à faiblir. Le nœud. Même le nœud qu'on a dans le cœur, tu as toujours le nœud. Mais le nœud, lui-même, il est mince. Des fois, on peut nouer, par exemple, avec une corde vraiment yani, large. Et on peut nouer avec un fil, un petit fil avec lequel on coud. Avec lequel la femme coud par exemple un bouton. Et l'autre, il a noué avec une corde vraiment large. Donc même le nœud, il est devenu mince. Il existe toujours le nœud, mais il est mince. Pourquoi? À cause des péchés. Les péchés jouent un grand rôle sur l'influence sur le cœur, l'âme. Et le contraire. Plus il y a d'obéissance, plus il y a d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et plus ça renforce le cœur bi'idhnillah ta'ala. Tfadl. Question suivante, question d'un frère. Voici ma question. La base virale VPS a été mise à jour. Qui ont pour objectif que la politique et le soulèvement des pays musulmans, car il y a beaucoup de ikhwa. Barakallahu fik. Tafadal, cheikh. Eh bien, on leur montre qu'ils sont dans l'erreur. On leur dit, là, il y a 124 000, Allah Ta'ala a envoyé 124 000 prophètes, dont 315 messagers. Aucun d'eux n'a commencé par la politique. Aucun d'eux. Est-ce que quelqu'un peut nous citer une seule khutbah, un seul prêche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur le minbar, où il a critiqué, par exemple, Abu Jahl. Il a critiqué Abu Jahl et sa gouvernance. Il a dit qu'il ne juge pas avec les lois d'Allah ou bien ceci ou bien cela. Jamais il n'a fait cela. Et pourtant, combien de fois il est monté sur le minbar, alayhi salatu salam. Donc tous les messagers sont venus par corriger la aqida. Car si je corrige autre chose et ta aqida est fausse, tu vas aller en enfer. À quoi ça sert par exemple que toi, tu juges avec les lois d'Allah? Et que le voleur, tu lui coupes la main, mashallah. Et que celui qui fornique, tu lui donnes son coup de fouet. Et tu le lapides s'il est marié. Naam. Et ensuite, tu as une fausse aqida. Tu dis que Allah ne descend pas, il n'est pas sur le trône, il n'a pas de main, il n'a pas d'yeux, il ne parle pas, et comme ça. À quoi ça sert? Tu vas aller en enfer. À quoi ça t'a servi d'avoir fait la sharia et le califat? À quoi ça t'a servi? Vous avez compris? Donc, et ensuite on dit aux gens, regardez ceux qui ont commencé par la politique, les frères musulmans. Cela fait des centaines d'années hein, qu'ils cherchent le pouvoir et qu'ils arrivent et qu'ils ne font rien. Ça fait des centaines d'années qu'ils font la da'wa, zama l'islam, yani, et qu'ils cherchent le pouvoir, ils n'ont jamais atteint. Et quand ils l'atteignent, ils ne réussissent pas. Ils restent un peu, ils font des dégâts, ils partent. Donc à quoi ça sert de commencer yani, par la politique? Question suivante, question d'une sœur. Je voudrais savoir si le tawahid et la aqida sont en fait la même chose. Tafadal, cheikh. Non, c'est une question importante. Ensuite, avant de répondre à cette question, je parlais tout à l'heure de politique, ma politique, non, c'est-à-dire la question précédente. Quand c'est maintenant, quand c'est je fais le prêche à la politique au lieu de faire le prêche au tawhid, comme font les frères musulmans, prêche à la politique. Ça devient très facile. Ça devient très facile. Mashallah, je le matin dans un café, j'allume une cigarette, je commande un thé et j'achète un journal. Et je lis ce qu'il y a comme politique. Qui a été élu, qui a été déchu, quels sont les partis qu'il y a, quand est-ce qu'il y a le vote, ceci, cela. Et c'est ça, c'est tout ça le din, c'est ça le din. Naam. Donc c'est pour ça que tu trouves quelqu'un qui est des frères musulmans, tu le trouves ignorant dans le din. Pourquoi? Il n'a pas le temps d'apprendre la aqida. Il apprend la politique, il lit les journaux. Il lit pas le Coran, et la Sunna, et le Barbahari, et le Khalal, et la Lakaï, ceux-là les grands, de l'aqida, il lit pas. Il lit seulement les journaux et le journal Le Monde et le Figaro et je ne sais pas quoi. Il parle tout le temps de politique. Mais quand tu lui poses une petite question dans l'aqida, il ne connaît pas. Tu lui dis, je sais pas, j'ai pas étudié. Miskina, ce sont des pauvres. Wallahi l'adim, trois fois. Que celui qui est salafi, que Allah subhanahu wa ta'ala l'a aimé. Parce que il t'ouvre la porte de la science, de la vraie science. Naam, quand tu n'étais pas salafi, tu étais un errant, tu erres de secte en secte, de livre en livre, de tu sais pas où tu vas, tu sais pas où tu mets tes pieds, tu te contredis, tu c'est pas clair pour toi. Quand tu es salafi, ça m'a dit taraktukum ala al mahajjat al bayda, je vous ai laissé sur subhanallah l'adim al mahajjat al bayda, la voie claire. Il a dit blanche layluha kanaharia, de jour comme de nuit. Toi même de nuit tu vois le chemin. Non, s'il voit, il voit seulement de jour. Toi même de nuit tu es toujours avec Allah. A dit son prophète. Allahu akbar, c'est une ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. طيب, la personne dit quelle est la différence entre tawhid et aqida, ou bien est-ce que c'est la même chose? Il faut bien apprendre ce que je vais dire maintenant. Tout tawhid et aqida, et pas toute aqida et tawhid. Naam, tout tawhid et aqida, et pas toute aqida et tawhid. Pour que vous compreniez, le tawhid rentre sous la aqida et la aqida ne rentre pas sous le tawhid. C'est une branche de la aqida. Dans la aqida, il y a mille et une choses et il y a aussi le tawhid. Exemple. Quelqu'un peut connaître seulement le tawhid. Le tawhid des attributs, le tawhid de la seigneurie, de la divinité. Il connaît bien le tawhid. Mais je lui dis, parle-moi de la tombe. Il ne sait pas. Parle-moi du bassin du prophète Islam. Il ne sait pas. Parle-moi du sirat. Il sait pas. Tout ça, c'est aqida. Donc lui, il connaît seulement le tawhid. Mais il ne connaît pas la aqida, toute la aqida. Même si le tawhid fait partie de la aqida. Mais c'est juste quelque chose de la aqida. Maintenant, je lui parle toujours de la aqida, il ne connaît pas. Je lui dis, parle-moi de combien il y a de portes dans le paradis. Il ne sait pas. Combien il y a de portes en enfer. Il ne sait pas. Tout ça, c'est aqida, pourtant il ne sait pas. Pourtant, il connaît le tawhid. Il connaît le tawhid des noms, des attributs, des noms, des attributs, des seigneuries, divinité. Donc, je répète, tout tawhid, aqida. Et pas tout aqida, c'est du tawhid. Tfadlal. Mohamed, le micro ne fonctionne pas, tu as des problèmes avec le micro. Fawzi, lis les questions, ne perds pas de temps, Inch'Allah ta'ala. Akh Mohamed, si tu veux, afficher Wasma. Mets la question sur le texte, mets-la. On a perdu bientôt 3 minutes. Tfadlal. Question d'un frère. Quand on parlait de Doul, Kou, Yes, Kou, Yes, cela le Khaliji, est-ce que une de ses caractéristiques était de se raser la tête au rasoir ou bien de couper les cheveux courts? Barakallahu fikou. Naam, cher, je sais, j'ai pas l'arabe et j'ai beaucoup de difficultés à prononcer les mots. Afwan. Enfin, quand je dis t'as pas l'arabe, c'est juste une allusion. Une allusion. Toulouse savent que ça veut dire t'as pas l'arabe. Les sœurs de Toulouse savent ça. T'as pas l'arabe, tais-toi. El Mouhim. Assalamu alaikum. Quand on parlait de Dhul Khouaïsera, le Khariji, le chef des Kharijites, le premier Khariji, Naam. Est-ce que une de ses caractéristiques était de se raser la tête au rasoir ou de couper des cheveux courts? Naam. Cet individu, Dhul Khouaïsera, quand il est venu parler au prophète, Assalam, il lui a dit que tu étais injuste. Naam. Il lui a dit que tu étais injuste. Les rapporteurs du hadith, quand ils l'ont décrit, ils ont dit que il avait le crâne rasé, Naam. Et que il s'habillait très court. Il monte, dans le sens que il monte le qamis, Naam, presque au genou, presque au genou. Voyez. Maintenant, les savants ont dit, que d'abord, avant cela, il y a un hadith. Naam. Attendez, je me rappelle le hadith. Maintenant, je ne l'ai pas dans la tête. J'ai pas maintenant le hadith entre mes yeux. Qui dit que yani, c'est l'un de leurs signes. C'est l'un de leurs signes. C'est pour ça que, c'est-à-dire de se raser le crâne. De se raser le crâne à cause de celui-là, ce premier, qui à parler au prophète Hassan avec le crâne rasé. C'est pour cela que Omar ibn Khattab, une fois, yani, il a entendu des gens comme ça se disputer ou parler fort dans la mosquée, il est allé directement vers lui, yani, il a voulu le frapper. Ensuite, quand cette personne a vu qu'il avait les cheveux sur la tête, il a dit Alhamdulillah. Mais si je t'avais trouvé yani, avec le crâne rasé, je t'aurais yani, frappé. Je t'aurais frappé. Et la même chose, Abu Dhul Ghifari, radiallahu ta'ala anhu, quand il a eu une petite dispute avec Othman ibn Affan, radiallahu ta'ala anhu, quand il est rentré le voir, la première chose qu'il a faite, il a enlevé la chéchire pour lui montrer sa tête. C'est-à-dire que je n'ai pas peur, je ne fais pas partie des Kharijites. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a vu quelqu'un avec ce qu'on appelle le qaza. C'est interdit de se coiffer ainsi. C'est maintenant une mode maintenant. Je ne sais pas chez vous s'il y a ça, mais en Algérie, il s'en est plein. Presque tous les jeunes, a'oudou billah, maintenant, ils se coupent, ils se rasent une partie de la tête et ils laissent une partie. C'est-à-dire, surtout, ils le coupent pas, ou bien des fois à droite, ou bien des fois à gauche. Ça, c'est interdit. Le prophète Ayyuslam a vu quelqu'un comme ça, il lui a dit, il lui a dit laisse-le tout ou bien enlève-le tout. Il n'y a pas tu enlèves d'un côté et tu laisses d'un côté. Il faut tout enlever ou laisser tout. Alors non, pourquoi il faut tout enlever ou laisser tout? Car quand tu enlèves une partie, tu laisses une partie, à part que tu as contredit le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu as fait aussi du tort à ta tête. Tu as fait du tort à ta tête en laissant une partie sans cheveux. Naam, cette partie où tu n'as pas laissé de cheveux, c'est du tort. Ou alors, s'il faisait très chaud, tu as enlevé une partie et laissé une partie. Tu as fait du tort à la partie que tu n'as pas enlevée. C'est le contraire. Lorsque tu l'as enlevé, maintenant il y a le froid, le vent, etc. qui touche ta peau. Et lorsque tu n'as pas, il faut tout enlever ou tout laisser. C'est pour ça que le prophète alayhi salam nous a déconseillé de marcher avec quoi? Avec un seul soulier. Il faut mettre les deux ou bien marcher pieds nus. On ne marche pas avec un seul soulier. Pourquoi? Il a dit, c'est la marche du shaitan. Et en même temps, tu fais du tort au deuxième pied. Au deuxième pied auquel tu n'as pas mis le soulier. Naam. Ou maintenant, si c'est le contraire, maintenant, si tu veux faire reposer tes pieds, tu as enlevé un soulier, tu as laissé l'autre. Tu as fait du tort à l'autre que tu as laissé. Car il fallait aussi que l'autre pied se repose. Et c'est pour ça que le prophète al-islam a interdit qu'on s'assoie. On s'assoit entre quoi? Entre l'ombre et le soleil. On doit s'asseoir carrément à l'ombre ou carrément au soleil. Il a vu quelqu'un assis comme ça, entre l'ombre et le soleil. Il a dit, c'est l'assise du shaitan. C'est le shaitan qui s'assoit ainsi, entre l'ombre et le soleil. Pourquoi? Tu fais du tort à ton corps en laissant une partie dans l'ombre et une partie dans le soleil. El-Mohim, je dis à cette personne, il est permis, d'après le hadith que j'ai cité maintenant, de se raser complètement le crâne. Il est permis. Mais à condition que ça soit pas, que ça soit pas le signe des Khawarij dans l'époque où tu vis. Naam. Si dans l'époque où tu vis, la ville où tu vis, ou l'époque où tu vis, tu sais que maintenant les Khawarij, ils se rasent là, ça devient interdit de te raser la tête, même si à la base c'était permis. Même si à la base c'était permis. Mais si maintenant les Khawarij ne se rasent plus la tête, alors c'est permis de se raser la tête, comme dans le hadith que je viens de citer, bi'idhnillahi ta'ala. Azza wa jal a'lam, tafadhal. Question suivante. Question d'une sœur. Qu'Allah vous préserve. À quel degré de science acquise peut-on faire la da'wa? Par exemple, si on connaît les bases sur la aqida, peut-on faire des discours afin de faire entrer les femmes en islam? De même, a-t-on le droit de regrouper entre sœurs et lire par exemple Kitab Tawahid avec le commentaire? Barakallahu fikum shir, qu'Allah vous donne le paradis ainsi qu'à nous. Amin. Tafadal shir. Le prophète alayhi salatu wasalam a dit, Balliru anni walaw aya. Ne serait-ce qu'un verset. Il faut faire la différence entre faire da'wa et faire un discours, comme dit ici celui qui a posé la question. Faire da'wa, tout le monde fait la da'wa. Tout le monde. Il suffit que tu connaisses un verset. Et que veut dire le verset? Tu peux dire à ta copine ou à ta voisine. Regarde ce qu'a dit Allah Ta'ala. Tu lui dis le verset et son explication. Ou bien seulement le verset. Regarde ce qu'a dit Allah Ta'ala et tu cites seulement le verset. Tu as fait la da'wa. Donc, tout ce qu'on apprend, on peut le propager. Mieux encore, on doit le propager. On doit le propager si on est sûr que c'est bien ce qu'on a compris. Si c'est sûr que c'est bien ce qu'on a compris. Maintenant, faire des discours, c'est autre chose. Faire des discours, s'asseoir comme ça dans une mosquée ou dans une maison, regrouper des gens et faire un discours, ce n'est pas facile. Quant à lire un livre comme ça entre sœurs et lire seulement les commentaires sans ajouter un mot ou retrancher un mot, et en plus en notant des choses qui ont donné amalgame ou qui ont donné ambiguïté, peut-être une personne a dit, est-ce qu'il veut dire cela, est-ce qu'il veut dire celle-là, j'ai pas bien compris, Donc là, on va noter, on va te rendre la réponse la prochaine fois. Si c'est comme ça, c'est permis, inshallah ta'ala. Si c'est comme ça, c'est permis, inshallah ta'ala. Naam. Et j'ai lu certains savants, des contemporains, des grands, qui ont dit, c'est, ils ont dit quoi? Ils ont dit maintenant dans une petite ville, par exemple, il n'y a personne. Personne qui fait la da'wa, c'est mort. Il y a quelqu'un qui a juste une petite science. Ils ont dit, ça ne fait rien celui-là, yani, il propage cette science. Sinon, car c'est, sinon comment qu'on va faire? Sinon, c'est comme si on est dans le désert perdu, il y a quelqu'un, un jeune de 6 ans, il connaît le chemin. On va dire, non, celui-là, on prend pas de lui, c'est un garçon, c'est un petit enfant, on prend pas de lui. Alors que c'est obligatoire que tu prennes de lui, sinon tu vas couler, il n'y a que lui. S'il y avait une personne âgée et mûre, bien sûr, je ne prends pas d'un enfant. Mais s'il n'y a que lui, comment je fais? Il n'y a pas d'autre solution. Naam. Mais qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala au maximum. Tfadlal. Barakallahu fik, cher. Question suivante, question d'un frère. Pouvez-vous nous citer les livres pour apprendre l'aqida, pour le début de science? Je conseille mes frères et sœurs de visiter le site de Shir dans la section questions-réponses. Il y a plein de réponses à des questions que l'on se pose et plein de cours bénéfiques. Barakallahu fikum Shir, pour le temps que vous nous accordez. Tafadal Shir. Le frère ou la sœur n'a pas précisé si elle voulait des livres en arabe ou en français. Naam. Et je ne sais pas, moi je vais citer certains livres en arabe, mais je ne sais pas s'ils sont traduits en français ou pas. Donc on parle au Sol Salata. Naam. Sol Salata. Ensuite, Naam. Il y a le Sol Arba. Il y a le Sol Sita. Tout ça, ça se ressemble. Ensuite, on peut y aller monter de niveau. On peut monter de niveau. Naam. On peut peut-être lire un livre comme celui-là. Le dogme du monothéisme de Cheikh Fawzan. Naam. Aqidatou Tawhid. Ensuite, si on va monter un peu plus, on va lire Kitab Tawhid. Cheikh Mohamed Abdel Wahab. Explication de Cheikh Ben Outaymer ou bien de Salah Al-Sheikh. Naam. Ensuite, si on monte plus, on va aller par exemple à Tahawiyya. Naam, on va aller par exemple à Tahawiyya, Safariniya. Naam. Et les autres livres de l'Aqida, مثلا, comme l'Aqida de l'Alaka'i. Un peu difficile, bien sûr. Moustawa. C'est pour ça qu'on commence petit à petit et on monte. On commence petit à petit et on monte, bidnillahi ta'ala. Fadla. Le livre de l'Alakaï s'appelle Usul i'tiqad. Bismillah wa salat wa salam ala rasulillah. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fawzi m'a demandé de prendre la suite, bi'inillah. Est-ce que vous m'entendez bien? Alhamdulillah. Donc je passe à la question suivante, cher, pour ne pas perdre de temps. Question d'une sœur qui dit Hayakumullah ala ta'atihi, Cheikhana. Pouvez-vous nous rappeler la différence entre destin universel et destin législatif? Car j'ai du mal à assimiler que les hommes ont un destin fixé. Un destin fixé dans l'obéissance ou la désobéissance, et qu'en même temps, ils ont le choix. Afouane, cher, parce que la question est venue en plusieurs fois, donc je la ressens plusieurs fois, Afouane. Donc je la reprends. Pouvez-vous nous rappeler la différence entre destin universel et destin législatif? Car j'ai du mal à assimiler que les hommes aient un destin fixé dans l'obéissance ou la désobéissance, et qu'en même temps, ils ont le choix d'obéir ou de désobéir, bien qu'Allah n'aime pas qu'on lui désobéisse. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Qu'Allah nous augmente en science et en sincérité et qu'il nous unisse dans son firdaus. Tafadhal, cheikh. Abou Zakaria, chez moi il y avait des sauts, ça sautait chez moi. C'est pour ça que j'ai pas bien compris la question. J'ai compris que peut-être qu'elle voulait savoir, cette personne, la différence entre destin charaï et destin kauni, je crois. Qadari. Mais autre chose, je ne l'ai pas compris. Naam, cher, c'est bien ça la question. Et par la suite, elle parlait de ses choubouhat à elle. Mais la question générale, c'est bien ça, cher. Vous m'entendez? Donc, le qada al-kawni. Naam, le qada al-kawni. Kawni, c'est-à-dire universel. Universel, c'est ce que Allah Azzawajal a écrit et qui doit arriver. Naam. Il a écrit que, par exemple, demain, c'est jeudi 5 septembre. Demain, jeudi 5 septembre. Si je me trompe pas, sinon je vérifie. Naam. 5 septembre, voilà. Il a écrit que demain, par exemple, la pluie va tomber ici à Blida. Ça fait 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre qu'il a écrit ça. Demain, ça doit tomber, la pluie. Ça s'appelle un destin commun universel. Kauni. Ça a un rapport avec l'univers. Lui tombe. Vous avez compris? Et des fois, le qada, c'est shar'i. Naam. Bon, le kauni, je donne un exemple dans le Coran, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit. وقضينا إلى بني إسرائيل لتعلمن في الكتاب علوا وقضينا بس في الكتاب لتعلمن علوا كبيرا et on a destiné, on a écrit dans le destin qu'aux enfants d'Israël que ils vont yani être des l'oulou, yani la grandeur, ils vont la grandeur yani qui n'est pas bien, dans le sens qui n'est pas bien, c'est-à-dire orgueilleux, etc. Ils vont devenir comme ça. Yani des pêcheurs, etc. Al-Muhim, ça c'est quoi? C'est Kouni. Ça va arriver, ça doit arriver. Quant au destin Shara'i, c'est ce que le Qada Shara'i, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala Qada, naam, mais il se peut qu'il arrive, il se peut qu'il n'arrive. Comme il a dit par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ Allah subhanahu wa ta'ala a décrété de l'adorer que lui. Allah ta'ala a décrété qu'on l'adore que lui. Est-ce que maintenant on va voir la réalité? Est-ce que les gens adorent seulement Allah? Non. Certains adorent Allah, d'autres adorent des statues, et d'autres adorent, je ne sais pas quoi, le soleil ou la lune. Donc, quand c'est décret, qada, universel, ça doit arriver. Et quand c'est décret, shar'i, légiféré, il se peut que ça arrive, il se peut que ça n'arrive pas. Naam. Voilà en général la différence entre les deux, bi'idhnillah, subhanahu wa ta'ala. Et dans le verset, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, Allah a décrété que vous ne l'adoriez que lui. Dans ce verset, s'est égaré une grande secte de musulmans qui sont devenus kuffar par la suite. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils font pas la différence entre le décret universel et le décret légiféré. Ils ont dit tout ce que décrète Allah, il doit arriver. Alors, puisque Allah Ta'ala a décrété que on ne doit l'adorer que lui, donc tout ce qui est adoré dans ce monde, c'est lui. C'est pour ça que s'ils voient quelqu'un se prosterner à un âne, ils disent c'est Allah Ta'ala qui s'est incarné dans cet âne. Je lui dis non, ça c'est un âne, c'est pas possible. Il te dit comment? Allah Ta'ala dit dans le Coran qu'on ne doit adorer que lui, qu'on adore que lui. Donc, et ce que Allah Ta'ala dit et décrète, il doit arriver. Donc voilà, si tu te prosternes à un âne, tu te prosternes à Allah. A'oudou billah. Ils se sont égarés car ils ne font pas la différence entre le décret universel comme ici, le décret universel et le décret naam, légiféré comme ici, quand il a dit que il a été écrit qu'on adore que lui, ça veut dire c'est un décret légiférer. Ça peut arriver, ça peut ne pas arriver. Fadlal. Cher, est-ce que vous pouvez m'ouvrir votre PV, Inch'Allah? Je vous envoie un message, vous me répondez juste oui ou non, Inch'Allah, je comprendrai. Et en attendant, je vous pose une question, pour ne pas perdre de temps. La question suivante est la question d'un frère qui demande, enfin qui dit qu'Allah vous raffermisse dans cette da'wah salafia. Ma question est, dans ma famille, il y a des gens qui ne prient pas. Doit-on les exhorter en commençant par le tawhid ou par la prière? Barakallahu fikoum, cher. Cette personne parle de musulmans, n'est-ce pas? Ah, elle parle de musulmans. C'est sûr, là. Ça parlait de kafir, elle aurait dit, dans la famille, il y a des gens qui sont koufars. Al-Muhim, ceux qui ne prient pas, on commence par leur parler de la prière. On commence par leur parler de la prière. C'est-à-dire que, maintenant, quand je dis à quelqu'un, par exemple, voilà celui qui prie, qu'est-ce qu'il a comme récompense, ce qu'il ne prie pas, voilà ce qu'il a comme, ouais, c'est bon, comme châtiment, etc. Est-ce que, c'est-à-dire, ça m'empêche que je parle aussi de aqida? Ça m'empêche que je parle de aqida et de tawhid. Et que je dise que, yani, en faisant le prêche comme ça, que Allah subhanahu wa ta'ala a des bons noms à ceux-ci, à ceux-là, donc il mérite d'être adoré, donc il mérite d'être vénéré. Ensuite, je fais la relation avec la salat, puisqu'il mérite d'être adoré. La meilleure adoration est la première, sur laquelle on va être qui sont les hommes. Et je lui parle de ce qui se passe yom al-qiyama quand la personne vient, si elle n'a l'atte, combien c'est grave pour elle. Et comme ça, inshallah ta'ala. Tfadlal. Barakallahu fikoum, cher. Question suivante d'un frère qui dit: j'ai un compte YouTube où je pose des vidéos. Le nom du compte est Hassanat. Je voulais savoir s'il est possible de poster des vidéos où on voit les visages des savants lors des conférences. Par exemple, les doros de Cheikh Raslan ou les fatwas de Cheikh Fawzan, hafidhahumullah, et d'autres vidéos des shuyukh salafi. Et si je peux aussi poster les vidéos de récitateurs du Coran connus où on verra leur visage. Est-ce que ça rentre aussi dans le hadith qui interdit les images ou est-ce que cela est permis? Hayakoum Allah, ma chère. Et si vous pouvez répondre à mon PV, cher, barakallahu fikoum. Personne n'a, j'ai pas bien entendu le début, mais à parler des savants, si elles pouvaient montrer leur visage dans des vidéos. Si ces savants ont accepté qu'on les filme, ça veut dire qu'on peut les montrer. Car s'ils n'acceptaient pas, ils auraient dit non. Ils auraient dit non. Mais si maintenant, lui-même, il voit la caméra en face de lui, il te laisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a donné le consentement pour yani, qu'il soit vu. Qu'il soit vu dans, par caméra. Sinon, il n'aurait pas accepté. C'est comme ça que moi, je comprends. C'est comme ça que moi, je comprends. Moi, une fois, j'étais dans une assise où il y avait Cheikh Fawzan Hafidhallah. Il donnait un cours, s'il y avait quelqu'un qui le filmait, il ne savait pas. Ensuite, il a remarqué. Il a dit, c'est quoi là-bas? C'est une caméra? On lui a dit oui. Il a dit, Tarullah, enlevez cette caméra. Des années, ça fait bien des années. Ça fait à peu près 15 ans. C'est pour ça que maintenant, ça m'étonne que yani, le cheikh passe à la télé, etc. Autrefois, il n'acceptait pas la caméra. Sauf si quelqu'un va dire que maintenant il a seulement en direct. Et pour le Coran, je pense que quand on entend quelqu'un en train de lire, ce n'est pas une obligation de le voir. L'essentiel c'est de l'entendre. Car on adore Allah Azza wa Jal parce qu'on est en train d'entendre et non en voyant cette personne. Ça ne m'intéresse pas qui est cette personne. Mouhim, que j'entende le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tfadlal. Barakallahu fikoum, cher. Un frère demande une précision sur la question précédente. Il dit, Il me semble qu'il est possible que la personne se soit trompée dans la question. Elle voulait plutôt dire la volonté universelle, irada kauni, et la volonté religieuse, irada shar'i. Comme cité dans Usul al-Thalatha de Muhammad ibn al-Huthaymin, rahimahullah, est-ce la même chose que le qada shar'i? Barakallahu fikum, cheikh. Non, c'est tout à fait la même chose. L'irada ou l'mashi'a, et le hukm shar'i ou le hukm al-kawni, et le qada shar'i, le qada al-kawni, et le dukhul shar'i, le dukhul kawni, l'i'ata shar'i, l'i'ata al-kawni, et comme ça. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont shar'i et kawni en même temps. Ouais, kawni ou shar'i ou bien les deux. Tfadhal. Barakallahu fikoum, cher. Question suivante, donc. Question d'un frère qui dit Salam alaykoum, cher. Hafidhakoum Allah, qu'Allah vous accorde le plus haut degré du paradis. Vous avez parlé de la secte Tablighi. Et il est vrai que Cheikh, est-il vrai que Cheikh Abou Bakr al-Jazairi serait revenu sur sa fatwa qui autorisait la dawa des Tablighi? Et comment se positionner quand il y a plusieurs avis de savants qui autorisent leur dawa? Hayakum Allah, cheikh. Bon, ce que je sais, c'est que Cheikh Abou Bakr al-Jazairi, quand il a dit ça et qu'il avait permis le tablir, que Yanné, il a été vraiment. Yani, comment dirais-je, vraiment réfuté par les savants. Et que vraiment ils lui ont voulu. Et que yani, ils lui ont dit beaucoup de choses qui sont bien pour avoir yani, dit cette chose. Par conséquent, ce que c'est qu'il s'est désisté. Si quelqu'un sait que maintenant il dit qu'il y a le tablir et que c'est bien, alors qu'il nous ramène cette chose. Non, moi pour moi, ce que je sais, c'est que on a réfuté sa parole et qu'il s'est désisté. C'est ce que je sais. Si quelqu'un connaît autre chose que je ne sais pas, qu'il nous en fasse part, bi'idhni ta'ala. Maintenant, la deuxième question. Si les savants ont divergé, certains ont dit que yani, ça ne fait rien d'aller avec Tablir, et d'autres disent non. Mais il ne faut pas aller avec eux. Comment qu'on fait? Non. On va prendre de l'avis de ceux qui disent non, on ne part pas avec eux. Pourquoi? Parce que ceux qui disent on ne parle pas avec eux te montrent les méfaits. Naam. Ils te montrent les choses mauvaises qu'ils font et que les autres peut-être ne connaissent pas. Naam. C'est comme par exemple, je vous donne un exemple. Il y a une personne qui s'appelle, disons, Omar. Naam. A dit aux gens suivez Omar. Et B dit aux gens ne suivez pas Omar. Naam. Ensuite on va demander à A. On lui dit pourquoi tu as dit on suit Omar. Il dit oui. Parce qu'Omar est mashallah. Il apprend le Coran, il connaît des hadiths, etc. On lui dit barakallahu fik. Ensuite on demande à B. On va lui dire pourquoi tu as dit il ne faut pas suivre Omar. Il dit parce qu'Omar c'est mon voisin, je connais bien. Naam. Il fume la cigarette, il est tout le temps en train de avec les femmes, en train de courir derrière les femmes. C'est mon voisin, il habite avec moi, je le connais très bien. Donc on va prendre de qui? On va prendre de l'avis de B. B connaît et a connu des choses par rapport à Omar. La même chose pour ceux qui ont dit. D'ailleurs, Cheikh Ben Baz rahimahullah, lui-même, auparavant, Naam, il disait du bien. Il disait que c'était permis de sortir avec eux à condition yani, d'apprendre ou je ne sais pas quoi. Naam. Ensuite, Naam, quand il a su, il a demandé qu'on lui fasse un compte rendu de ce qu'ils font là-bas, l'établir dans leur pays, etc. Et on lui a dit, voilà, compte rendu. C'est plein de shirk, c'est plein de bid'ah. Il a fait quoi? Il a fait des mises en garde contre eux. Il a dit, ils sont pleins de shirk et de bid'ah et de choses... que ça n'est dans le Coran, on est dans le Naam. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Tfadl. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Tfadl. Barakallahu fikoum, cher. Cher, pour la question suivante. En fait, il y a... Est-ce qu'il est revenu, Inch'Allah, ou pas encore? Non, car des fois, il faut sortir carrément du paltok, pas seulement du choc, pour qu'il reboote. Il faut sortir. Il arrive, Inch'Allah ta'ala. J'ai peur qu'il revienne en tablieri. Va lui poser la question s'il va dire venez on part 40 jours en Afghanistan, khlas, c'est trop tard. Abou Zakari, est-ce que tu es là? Abou Zakari, est-ce que tu es là? Alhamdoulilah, tu m'entends? Réponds, Nam, avant de poser la question, réponds à la mienne. Est-ce que c'est vrai que tu as 40 jours en Afghanistan? تفضل. عفوا شيخ، j'ai entendu juste est-ce que c'est vrai 40 jours en Afghanistan؟ j'ai pas entendu entre les deux، ça a coupé. Bon, sur le pal ici، sur le pal، quelqu'un a dit que peut-être tu allais devenir un tablier et revenir tablier. Donc on veut savoir cette rue، est-ce que tu vas aller 40 jours en Afghanistan؟ faire la dawa et revenir. Tfadlal. En Afghanistan, non, il me semble pas. S'ils m'avaient proposé une autre destination, Mecca, Medina, peut-être qu'ils auraient pu m'avoir. Mais Afghanistan, non, c'est pas dans mes projets pour l'instant. Tfadlal. Donc, c'est quoi la question? Là, tu n'es pas un tablier, tfadlal. Donc, cher, en fait, je vous disais qu'il y avait trois questions qui se rejoignent, en fait. Donc, la première, c'est une sœur qui dit, par rapport à la question sur la dawa, pouvez-vous demander au cheikh si on connaît mieux le tawhid que la aqida? Est-il possible de faire des discours, spécialement à des femmes qui souhaiteraient entrer en islam, en leur expliquant les annulatifs de l'islam, les conditions de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah, shirk al-akbar ou shirk al-asrar? La deuxième question était, j'ai une question qui s'adresse à tout musulman qui veut m'aider, même si ma question n'est pas à poser en direct. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît? Avez-vous déjà aidé quelqu'un à devenir musulman car la personne prie et jeûne mais ne fait pas la shahada? Elle croit en l'islam et à tous les prophètes, sans exception. Aidez-moi, c'est important. Quels sont les arguments pour qu'il fasse la shahada ou une expérience dans ce sens? Barakallahu fikum. Et la troisième question était, question sur la harida. Non, enfin, ce n'est pas celle-ci. Ma mère est mécréante. Souvent, je lui parle de l'islam, mais j'essaye plutôt d'évoquer le tawhid. Elle me parle sans cesse des interdits et me montre parfois sa réticence. Dois-je continuer à lui parler uniquement du tawhid ou dois-je répondre à chacune de ses interrogations, si j'en ai la science, dans le but de ne pas cacher la vérité? Barakallahu fikoum pour votre réponse et qu'Allah vous préserve et vous récompense. Donc, cher... La première, je ne l'ai pas bien entendu, barakallahu fikoum. toutes ces questions tournent autour de la da'wa. Naam, cher. La première, la sœur dit, par rapport à la question sur la da'wa, pouvez-vous demander au shir si on connaît mieux le tawhid que la aqida? Est-il possible de faire des discours spécialement à des femmes qui souhaiteraient entrer en islam en leur expliquant les annulatifs de l'islam, les conditions de la ilaha illallah? C'est-à-dire, en fait, cher, faire da'wa uniquement par le tawhid, sans entrer dans les autres choses comme le destin et autres. Et donc, en fait, cher, les trois questions, concentrer uniquement sur le tawhid, est-ce qu'on doit se concentrer uniquement sur la ilaha illallah? Est-ce qu'on doit se concentrer uniquement sur la aqida? Est-ce qu'on doit parler de tout? Comment faire da'wa à une personne? Barakallahu fikoum, cher. Mohamed, de toute façon, c'est une question qui intéresse tout le monde et ça rejoint les autres. Donc, Bidnila, je pense que... Qu'est-ce que tu viens de dire maintenant, Mohamed Abou Zakia, qu'est-ce que tu viens de dire maintenant? Dernière question, car la sœur n'est pas présente. Et moi, je disais que comme c'est une question qui touche un peu tout musulman, comment faire da'wah, et que ça regroupait les deux autres questions, donc si vous répondez d'une manière générale, ça répondra à la fois à sa question et aux questions des autres, Inch'Allah. Non, je ne peux pas me souvenir de toutes les questions. Je réponds à celle qui parlait de tawhid, etc. et qui ne connaissait pas bien la aqida, mais connaît seulement le tawhid. Est-ce qu'elle peut parler de ça ou ne pas parler? Bien sûr qu'elle parle de ça pour la personne qui veut rentrer en islam ou alors qui voudrait, comme lui disant que yani, pour entrer en islam. Et là, je réponds aussi à la dernière question, je crois. La troisième, c'est qu'il faut qu'il dise la shahada. Il faut qu'il dise cette phrase. Naam. Qu'ils la disent, naam, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah. Il n'a pas dit jusqu'à ce qu'ils prient, jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah. Il a dit à son oncle, avant de mourir, ô oncle, qul kalimatan, dit un mot ici c'est la ilaha illallah, et je te défends, yani. Yom al-Qiyamah. Dis seulement cette phrase, La ilaha illallah, c'est-à-dire rentre en islam. Donc on ne rentre jamais en islam si on ne dit pas La ilaha illallah. Reste maintenant, si on l'a dit d'après la langue d'un autre pays, du pays de si les Chinois, si, Al-Muhim, c'est quoi? C'est qu'il dit son sens. Mais s'il l'a dit en arabe, c'est mieux, même s'il ne peut pas la prononcer. Mais avant cela, la chose très importante, il faudrait que, avant de dire à la personne de dire la ilaha illallah, qu'elle comprenne qu'elle sait dire la ilaha illallah. Qu'elle comprenne. Non, peut-être qu'il ne sait pas que ça veut dire cette phrase. Je lui explique qu'il n'y a de Dieu qui mérite d'être adoré sauf Allah. Et qu'il a envoyé beaucoup de messages, entre autres le dernier qui s'appelle Mohammed al-Salam et qu'on doit suivre. Que. Maintenant, si tu vas rentrer en islam, il y a 5 prières qu'on doit faire par jour. Naam. Et plus tard, quand on a de l'argent, si on atteint le seuil, on fait la zakat une fois par an. Et on jeûne une fois par an. Et comme ça, les 5 piliers. Il faut dire à la personne. Pourquoi il faut lui dire? Car, si on lui dit, on dit à la personne, et bon, d'accord, je rentre en islam. Ça, c'est mashallah. Si elle dit je ne rentre pas, ah je savais pas, il y a la salat, etc. Donc je rentre pas, c'est difficile. On n'a rien perdu. Elle est toujours mécréante. On n'a ni gagné ni perdu. Mais si au contraire maintenant, on lui dit pas. On lui dit, dis seulement la ilaha, rentre en islam. Elle est rentrée, elle dit la ilaha Allah, Muhammad Rasulullah, elle est rentrée en islam. Ensuite on lui dit, écoute, il y a 5 prières. Elle dit, ah non, moi je savais pas qu'il y avait 5 prières. Donc, c'est difficile. C'est très grave. Pourquoi c'est très grave? Pourquoi c'est pas la même chose avant d'entrer en islam? Car avant d'entrer en islam, la personne était mécréante et maintenant elle est mécréante, c'est tout. Mais en rentrant en islam et en quittant l'islam, elle a fait l'un des grands péchés qui s'appelle l'apostat. En islam, on doit même la tuer car elle a changé de religion. Elle était musulmane et elle a quitté l'islam. Elle a fait l'apostat. Tandis que pas la personne qui ne veut pas rentrer en islam n'a pas fait l'apostat. Et on n'a pas le droit de la tuer. Subhanallah al-Adim. Elle vit normal. Je ne rentre pas en islam. Allah Ta'ala dit, la ikraha fid din. Il a dit, il n'y a pas de contrainte dans la religion, je ne rentre pas. Mais l'autre, non. Tu l'as laissé rentrer, ensuite il est sorti. C'est pour ça que je lui dis d'avance, écoute, il y a 5 prières par exemple. Il faut commencer les prières. Et si jamais quelqu'un a de l'argent, une année après, il doit quoi? Il doit faire la zakat. Ou il doit jeûner. Même si je lui parle pas des saints, du moins, je lui parle du pilier important qui est la salat. Non, qui est la salat, c'est très important. Sinon, parler des saints piliers, non, c'est important pour que la personne ne fasse pas l'apostasie. L'apostat. Ensuite, elle est libre. Si elle veut pas rentrer, elle rentre pas. Donc, je disais, non, et surtout, quand on fait la dawa à quelqu'un, un kafir, surtout, de ne pas lui dire telle chose est haram, haram, haram, haram, haram, haram, car il va pas rentrer. Il va fuir. Laissez-le qu'il rentre d'abord, ensuite, naam, lui-même, il cherchera à comprendre est-ce que c'est haram, est-ce que c'est halal. Et il acceptera parce qu'il aura augmenté sa foi, bi'illahi ta'ala. Mais si tu lui fais peur à l'avance, attention, ceci, naam, il va avoir peur. C'est pour cela que je conseille, naam, à ceux pour que quelqu'un rentre à l'islam, de ne pas commencer par lui parler des annulatifs. Car en lui parlant des annulatifs, tu vas lui faire peur aussi. Il va dire, certains ont dit que même il y a 18 annulatifs. Il va dire, donc, subhanallah l'adim, il faut faire ceci qui contredit pas cela, il faut faire l'amour qui contredit pas la haine, il faut voir l'obéissance qui contredit pas la désobéissance, ceci, cela, tu vas lui faire peur. Laisse-le rentrer en islam en disant qu'il y a naam, le saint pilier, le premier, le grand, la salat. Ensuite, quand il commence, mashallah, à prier et à avancer, à apprendre, naam, on commence à lui apprendre. Attention, il y a des annulatifs. C'est comme c'est comme les ablutions. Si tu urines, tu as perdu les ablutions. Naam, c'est mieux. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Est-ce qu'il y a autre chose? Naam, il y a autre chose, c'est que on peut lui parler seulement du tawhid et pas ne connaît pas la aqida. Mais si on connaissait la aqida, c'est mieux. Le kafir aime que tu lui parles du paradis, par exemple. Naam, comme a dit quelqu'un, il a dit, moi j'ai été chrétien, je sais pas combien d'années, jamais le prêtre ne nous a parlé du paradis. Le prêtre ne connaît rien sur le paradis, ni sur l'enfer. Tout juste, il te dit, il y a un paradis et un enfer. Mais il sait pas combien de portes il y a, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, comment ça se passe. Nous en islam on connaît en détail, mashallah. Et le kafir, ça lui plaît que tu lui parles du paradis, ce qu'il attend là-bas. Naam, pour avoir obéi à Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est éternel, et ceci, cela. Allez, ça le pousse à ce qu'il veuille entrer en islam. Et surtout, pour terminer, surtout, attention à ton comportement. Lui, il regarde aussi le comportement. Quand tu dis que l'islam interdit le mensonge, ensuite, toi le premier, tu lui mens, naam, il va détester te d'islam. Quand tu dis que l'islam interdit le vol et tu lui fais la dawa, ensuite lui, je ne sais pas, il se tourne et toi tu lui prends sa montre. Ensuite tu lui fais la dawa, jamais il n'acceptera. Attention que vous fassiez cette faute énorme, naam, que vous ne joignez pas entre la parole et l'acte. Tfadlal. Barakallahu fikoum, cher. Question suivante d'un frère qui dit: comment apprendre et retenir les règles de la aqida et ne pas les oublier? Y a-t-il une technique pour ne pas oublier ce que l'on a appris? Hayakoum Allah, cher. L'ida, on les apprend, on les écrit. On écrit la aqida. Une fois, plusieurs fois, je reviens vers un cahier qui fait une chose. Et pour voir celle où là, c'est religieux et comme ça. Naam. Naam, la aqida, ça prend bi'idna ta'ala et ça se note. Et encore, à force de parler de cette chose, en faisant la da'wah à cette chose, la aqida va s'ancrer dans ton cœur. Naam. Ensuite, vous là-bas en France, deux grands avantages par rapport à nous. Par rapport à nous. Le premier avantage, c'est que vous êtes dans un endroit où c'est difficile d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Quand je dis en France, ça veut dire en Europe en général. Pays de coffre en général. Pour vous, c'est plus difficile que pour nous. Pour nous, mashallah, le adhan, tu pries où tu veux, le policier, et puis, donnez-moi un tapis, je prie, il te donne. Chez vous, non, c'est très difficile, subhanallah l'adhim. À part que les gens se moquent de vous, les gens insultent, les gens rient. Malgré cela, beaucoup d'entre vous, mashallah, frères et sœurs, tiennent à leur religion et yani, savent, parce qu'ils savent que c'est leur capital. Naam, c'est le capital paradis, c'est tout. Donc, en ce sens, vous là-bas, vous avez cette faveur d'avoir plus, inshallah ta'ala, de hasanat que nous dans vos adorations. Et la deuxième, ce qui ne veut pas dire que vous devez rester là-bas, bien sûr. La hijra, il faut penser à elle. Et la deuxième, vous avez l'avantage de pouvoir faire la da'wa à des gens qui ne sont pas musulmans. Nous, on n'a pas cet avantage. La plupart ici sont musulmans. Même s'ils ne pratiquent pas, mais ils te disent: moi je suis musulman et je lis le Coran, etc., etc. Chez vous, non. Vous êtes avec des gens qui n'ont aucune idée de l'islam. Ou alors d'autres qui ont de faux préjugés de l'islam. Ils ne pensent de l'islam que du mal, etc. Et toi, donc, tu es là comme à montrer c'est quoi l'islam. Donc vous avez cette faveur, comme a dit le prophète alayhissalam à Ali, il lui a dit: si Allah ta'ala guide une seule personne et que tu en sois la cause, c'est mieux que les chamelles rouges. Les chamelles rouges, masha'Allah. Donc vous devez faire des efforts. Comment yani faire pour yani attirer mon voisin ou bien ma voisine ou bien celui qui travaille avec moi ou bien le boulanger ou bien je ne sais pas qui que vous connaissez et avec lequel vous avez déjà une petite relation, voir lui faire la da'wah. Ça, c'est une ni'ma que Allah Ta'ala vous a donné là-bas. Et j'insiste que yani, c'est d'abord lui. Qu'est-ce qu'il voit d'abord? Il voit d'abord le comportement. S'il voit le comportement qui est masha'Allah, il peut être yani, il peut lancer par ce que tu dis. Toi, tu es le premier, il va pas accepter. Maintenant, les gens sont dans l'égarement total. Ils cherchent, il y a des gens qui cherchent la vérité, mais ne la trouvent pas. Ça fait des années qu'il y a des gens qui font les recherches, ils n'ont pas encore trouvé l'islam. Dernièrement, j'entendais un reconverti. Je vous disais que de temps en temps, quand j'ai rien à faire, j'écris sur Google. J'écris reconverti sur iPhone, sur YouTube. Et je vois ce qu'il me donne. Naam. Je voyais un reconverti australien. Il était vraiment dans l'égarement. Il a dit: j'ai commencé par, je crois, le bouddhisme, ensuite le christianisme, ensuite il a cité une autre religion. Il a dit ensuite: quelqu'un, un chrétien, m'a dit: est-ce que tu as essayé l'islam? Il a dit: je lui ai dit l'islam, le terrorisme, les bombes, mais tu es fou, c'est la dernière des choses. Donc les gens, il y en a beaucoup, ont des préjugés sur l'islam. Et Alhamdoulilah, quand il a commencé à Masha'Allah. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui cherchent. Naam. Alors, il faut leur tendre la main. Naam. Et essayer d'être la cause pour, Inch'Allah Ta'ala, les attirer vers cet islam. Naam. Je voyais, il ne fait pas longtemps, si je voyais une vidéo, quelqu'un, naam, il faisait comme ça un cours en Allemagne. Un cours comme ça, public, dans la rue. Disons une exhortation. Ensuite, il s'est arrêté. Il a dit, est-ce qu'il y a des gens qui veulent rentrer en islam? Ensuite, ils ont commencé à compter. Il y en a eu 13 ou 17. Maintenant, c'est moi qui ai oublié. Ou bien 13 ou bien 17. Ils sont venus à la minute même. Femmes et hommes. Femmes et hommes. Yani, attester la shahada. C'est dire qu'il y en a beaucoup de gens veulent. Mais c'est à nous de faire quelque chose. De faire quelque chose pour les attirer, bi'idhnillahi ta'ala. On arrête ici, inshallah ta'ala. On arrête ici. Naam. Subhanakallah wa bihamdika. Hamdik, vous aidez, nous aider pour que Zawjil guide ces gens. L'autre cause, naam, comme dans le hadith de Ali. Naam. Subhanak, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Inshallah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.